pourquoi tu parles plus? Hein? Pourquoi tu parles plus? Ya. Maestro. Plongé dans l'anonymat, on divague, on va et vient. En face d'une diva en hiver, le long du wagon aérien. Plongé dans mes pensées, contemplant son visage meurtri. Un sillon noir suivant ses larmes en silence. Et moi je me retiens de me mêler de sa vie, pour savoir pourquoi son cœur crie ainsi. Envie de lui dire vie, invite, on va se griller un spliff. T'es pas commode, toi ça se voit, on va se comprendre. Des jeux de drague dans le reflet opaque quand je croise ton regard froid. Main de ses mains froid, coup d'œil en douce, nous troublant. Beaucoup de gens courant autour dans le tourbillon des fins de mois. En s'en allant, l'ancien amant a pas fait le grand garçon. Toi qui voulais parler de futur, tu sens le manque, les seulement. T'es dégoûté, t'as fait le plus dur, délaissant l'élan de passion. Te retrouver au pied du mur, mais sans lamentation. Et tes yeux me parlent, ils me disent regarde, mais semblable en action. J'aimerais dire que les hommes sont perfides face aux tentations. Seulement t'es solennel, mature. J'aimerais que tu sois la mienne, mais v'là que le wagon sonne à peine. Et déjà tu sors à belle allure avant de retrouver l'azur. Tu trouvais peut-être rassurant te retourner pour t'assurer que je te loupais pas de vue. Pourquoi tu parles plus? C'est quoi, t'es fâché, réponds. Fallait pas te laisser tomber, tu te cracherais. Si je te lâche les pompes, allez y'a plus. J'tave dur, bosse des chansons classiques. Et je n'avais pas prévu de te sauver dans mon planning. Dis-moi c'est quoi le truc. Je veux savoir, t'es fâché, réponds. Fallait pas te laisser tomber, tu te cracherais. Si je te lâche les pompes sans rancune, c'est le gros du concept du biche. Si je suis à tes côtés, les choses évolueront peut-être plus vite. Ça parle de toutes sortes de messages. Avec toutes les galères du monde, à la sueur du front, je gravirai la forteresse. En tort, je m'exclame, t'as pas su tomber. Donc, vu le ton, la rue gronde, je succombe, mais reste à fond pour que la forme blesse. D'accord, je laisse des choses de côté. Dans mon raisonnement, j'offense des l'échauffement, j'ai de l'éloquence à force de bosser. Je romance une vie en vogue, un passé triste en somme. Hey, cous, mets les bouchées doubles si ta vie file, vu que tu la suis en stop. N'y pense pas, d'autres facteurs sont mis en cause, ou pire encore, je pars. Tu me verras jamais venir en cause tard dans une file d'embauche. Et comme ça, j'ai pas la fibre du trader. J'ai pas de fric, je parasite, t'es parti, m'active vu que c'est l'heure. On cause des envies communes, la jeunesse passe un message. C'est ça, non les nantis s'offusquent, la crainte fait face à cette vague. Le destin des uns influent sûrement celui des autres. Car l'absence de parole amène la science de fuir les fautes graves. Depuis mes 15 ans j'invente des phrases étincelantes. Dans tous les cas je plante le décor, je fais genre relax. Mais gars j'ai pas le temps, j'ai rien demandé. Je me contente des réponses, c'est insensé. L'impression à mon sens de ne rien comprendre quand tu me parles français. Pourquoi tu parles plus? C'est quoi, t'es fâché, réponds. Fallait pas te laisser tomber, tu te cracherais. Si je te lâche les pompes, allez y'a plus. J'tave dur, bosse des chansons classiques. Et je n'avais pas prévu de te sauver dans mon planning. Dis-moi c'est quoi le truc. Je veux savoir, t'es fâché, réponds. Fallait pas te laisser tomber, tu te cracherais. Si je te lâche les pompes sans rancune, c'est le gros du concept du pige. Si je suis à décoller, les choses évolueront peut-être plus vite.